La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. يا مكان في قديم الزمان وسالف الأوان. C'est la malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon, deuxième épisode, le bestiaire. مرحبا بكم في برنامج صندوق سندباد. Bienvenue à vous dans l'émission La malle de Sinbad. Nous avions laissé notre ami découvrir une première ajiba, une merveille, qui en appellerait d'autres. De fait, les sept épisodes s'articulent autour de motifs emprunté à la littérature viatique, voyage, en circulation, en cours, dans la zone indienne. Seulement dans la zone indienne, à voir. Des motifs autrement nommés Ajaib al-Bahr, les merveilles de la mer. Ainsi, avez-vous fait la connaissance, aux côtés du jeune marin, ou peut-être déjà tapis dans son ombre, la connaissance de l'île Poisson, un piège pour les novices. Éjecté de son île flottante, Sinbad est recueilli par une île véritable, c'est-à-dire immobile. Les péripéties en mer transportent le héros de Jazira en Jazira, d'île en île, et toujours lui pose la sempiternelle question du retour à la maison, chez lui, sur la terre ferme. Il n'a pas la trempe d'un Robinson, et jamais n'essaie d'acclimater, de domestiquer le gros caillou qui vient de lui sauver la vie. Cet abri temporaire l'interroge malgré le mutisme de l'isolement. Sinbad a franchi une limite. Il est donc soumis à une épreuve. Il veut à tout prix quitter sa prison. S'il déjoue le piège qui lui est tendu, il rentrera chez lui, sain et sauf, mais aussi riche, très riche. Lors du premier voyage, vous avez observé un monstre marin, fougueuse et féconde écume, s'adonner à de dangereuses saillies. Ce cheval aquatique hante bien des folklores, à commencer par le kelpie, le nyx et autres démons des rivières et loques dans l'Europe occidentale. Ces ébats symbolisent la dualité de l'eau, un élément qui donne la vie comme la mort. Un tel spectacle tend à Sinbad un miroir magique dans lequel se reflète ce qui sera son lot, périr ou gagner. Pour devenir marin, notre protagoniste devait maîtriser l'eau. C'est sur Radio Culture Dijon, dans la malle de Sinbad. Le deuxième voyage permit à Sinbad de rencontrer un oiseau mythique, le roc ou rouh. D'aucuns ont vu en cet être aérien colossal une évolution lexicale du anqa, ou plutôt de la anqa, puisque ce serait alors le féminin de arnaq, un oiseau au long cou, mais également un phénix. Ce n'est qu'à une époque tardive, chez Abu Hamid al-Rarnati, croit-on, voyageur et lettré andalou du XIIe siècle chrétien, que cet animal fabuleux prend son nom définitif, le roc. En malais, le mot rouk signifie vautour. Aux échecs, le rouk est la tour. Les Persans connaissaient le nombouin formidable Simurgh, gigantesque et puissant. Une aversion commune réunissait ces taxons uraniens du bestiaire moyen-oriental. Ils détestaient tous farouchement les serpents, créatures rampantes et chtoniennes s'il en est. De nouveau, au détour d'une infortune en mer, le lecteur assiste au combat entre forces célestes et telluriques. Ici, le roc arracha l'astucieux naufragé à sa geôle. Notre protagoniste apprit à maîtriser l'air. Sinbad s'évada en usant clandestinement du roc comme monture. Mais avant d'en livrer le menu détail, écoutons un deuxième extrait des Mille et une nuits. Alf Leila ou Leila, Dum Kalthoum, l'astre d'Orient, Kaukab Sharq. Perle qui nous accompagnera tout au long de nos pérégrinations. Ya Habibi, mon amour. Ya Habibi. Ya Habibi. Ya Habibi. Illi no isama un gobo amaru amaru sagaru wenta wana ya Habibi ana ya hayati. الهنا ويقول قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السندباد البحري قال تذكرت حكاية أخبرني بها قديما أهل السياحة والمسافرون وهي أن في بعض الجزائر طيرا عظيما يقال له الرخ يغذي أولاده بالأفيال فتحققت أن القبة التي رأيتها إنما هي بيضة من بيض الرخ ثم إني تعجبت من خلق الله تعالى فبينما أنا على هذه الحالة وإذا بذلك الطائر نزل على تلك القبة وحضنها بجناحيه وقد مد رجليه من خلفه على الأرض ونام عليها فسبحان من لا ينام فعند ذلك فككت عمامتي من فوق رأسي وثنيتها وفتلتها حتى صارت مثل الحبل وتحزمت بها وشددت وسطي وربطت نفسي في رجلي ذلك الطير وشددتها شدا وثيقا وقلت في نفسي لعل هذا يوصلني إلى بلاد المدن والعمار ويكون ذلك أحسن من جلوسي في هذه الجزيرة sur Radio Culture Dijon, dans la malle de Sindbad. Lorsque ce fut la 543e nuit, elle dit. On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Sindbad de la mer se mit à conter son deuxième voyage à ses amis réunis autour de lui. Je vous disais hier, mes frères, que j'avais repris le cours d'une existence des plus heureuses et parfaitement joyeuses. Mais me revint en l'âme, un jour d'entre les jours, le désir de voyager, de me livrer aux négoces, de visiter villes et îles et d'accroître mes richesses. Je me mis à y réfléchir et, pour mener à bien mon projet, réaliser une grande partie de mes biens et investis le montant dans l'achat de marchandises et objets divers propres au trafic qui me seraient utiles au cours de mon voyage. Une fois mes ballots soigneusement ficelés, je me rendis sur le rivage. J'avisai, à quai, un beau bâtiment, tout récemment gréé de neuf, aux voiles de belles toiles, dont l'équipage était fort nombreux. J'y fis embarquer mes marchandises en même temps que prenait place tout un groupe d'autres négociants. Nous voguâmes le premier jour d'une façon bien agréable. Puis nous ne cessâmes de naviguer de mer en mer et d'île en île. À chaque escale, nous prenions contact avec les autorités et nous mettions en rapport avec les marchands du lieu et tous ceux qui venaient vendre et acheter. Nous avons pu de cette façon commercer et nous livrer au troc. Notre temps se passa ainsi jusqu'au jour où le sort nous conduisit à une belle île dont les arbres innombrables pliaient sous le poids de fruits venus à maturité. Les fleurs embaumaient, les oiseaux gazouillaient à l'envi et les eaux coulaient limpides. Mais il n'y avait pas trace d'habitants, pas un feu à nos regards. Le capitaine décida de jeter l'ancre. Marchands et passagers débarquèrent et se mirent à cheminer sous les frondaisons, tout en écoutant le ramage des oiseaux. Ils exaltaient le Dieu unique et omnipotent, le roi tout-puissant, capable de créer pareille merveille. Avec quelques autres passagers, je m'en fus me promener sur l'île et m'assis près d'une source aux eaux limpides, sous les arbres. Je mangeai les provisions dont Dieu, exalté soit-il, avait bien voulu me pourvoir. un doux zéphyr rafraîchissait l'atmosphère et répandait d'agréables effluves. Je me sentais bien et caressé agréablement par la brise, enivré par les senteurs qui flottaient alentour. Je m'assoupis et ne tardai pas à plonger dans un profond sommeil. À mon réveil, il n'y avait plus en ces lieux âme qui vive, ni homme ni génie. Le navire avait pris le large avec tous ses passagers et personne ne s'était soucié de moi, pas plus les marchands que l'équipage, m'abandonnant seul sur l'île. J'eus beau chercher de tous côtés, tourner mes regards, vers la droite et vers la gauche, je ne décelais aucune présence. J'en ressentis un abattement extrême. Accablé par la stupeur, le chagrin et la tristesse, je sentis ma vésicule se contracter et la bile me monter aux lèvres. Je n'avais plus rien à moi puisque j'avais laissé à bord du navire mes effets et mes biens. Il ne me restait plus rien à manger ni à boire. Solitaire, découragé, désespérant de l'existence, je m'adressais d'amers reproches. Je me disais « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Tu t'en es sorti lors de ton premier voyage, trouvant qui a pu te ramener au monde, mais ce coup-ci, comment croire que tu auras pareille chance ?» Je me mis à pleurer et à gémir sur mon sort. J'étais lassé de tout, me reprochais ce que j'avais fait et regrettais de m'être lancé dans les fatigues d'un nouveau voyage. N'étais-je pas tranquille chez moi, dans un pays où je vivais heureux, jouissant de bien manger, bien boire et de me bien vêtir? Et je ne manquais de rien, argent et marchandises. Qu'avais-je eu à quitter Bagdad et à reprendre la mer après ce que j'avais enduré de peines et de périls mortels dans mon premier voyage? Mais nous sommes à Dieu et à Dieu nous reviendrons, comme il est dit dans le Coran. Je devins comme fou, me levai sur le champ et marchai dans l'île en tous sens. Je ne pouvais demeurer nulle part, je finis par grimper au faîte d'un arbre élevé et me mis à regarder partout autour de moi. Mais je n'apercevais que le ciel et la mer, la forêt et ses oiseaux, des îles et du sable. Je scrutai alentour avec plus d'attention et aperçus sur l'île comme une forme lointaine, de vastes proportions et de couleur blanche. Je descendis de mon arbre et me dirigeai vers cette forme, marchant jusqu'à m'en approcher. C'était comme une construction à dôme blanche, très haute et de grande circonférence. J'en fis le tour sans trouver la moindre porte. Je ne me sentais ni la résolution ni la force d'essayer de parvenir au haut de ce dôme, tant les parois en étaient lisses et glissantes. Je marquai au sol l'endroit où je me trouvais et entrepris d'en mesurer la circonférence. Elle faisait 150 grands pas. Je me mis à réfléchir au moyen de pénétrer à l'intérieur de cette construction. La fin du jour était proche, le soleil près de se coucher. Il se voila même à mes yeux et tout s'assombrit. Je pensais qu'un nuage venait de le couvrir. C'était curieux, car nous étions en plein été. Je levai la tête pour mieux regarder ce qui se passait et vis un oiseau énorme, gigantesque de taille, aux ailes démesurées, planant dans les cieux. C'est lui qui avait couvert le soleil et plongé l'île dans les ténèbres. J'étais stupéfait. Je me souvins d'une histoire que m'avaient racontée jadis les voyageurs au long cours. Et l'aube, chassant la nuit, Shahrazad dut interrompre son récit. Lorsque ce fut la 544e nuit, elle dit « On raconte encore, sire, ô roi bienheureux, que Sinbad de la mer, à la vue du gigantesque oiseau, se rappela un récit que lui avait jadis fait des voyageurs, et selon lequel il existait sur certaines îles un oiseau nommé Rukh, tellement énorme qu'il pouvait soulever un éléphant et nourrir ses petits de sa chair. Je réalisai que ce que je prenais pour un dôme était en réalité un œuf de Rukh. Je fus émerveillé de ce que Dieu, le Très-Haut, avait le pouvoir de créer. Soudain, cet oiseau se posa sur son œuf, l'enveloppa de ses ailes pour le couver, appuya ses pattes sur le sol derrière lui et s'endormit. Gloire soit rendue à celui qui jamais ne dort. Je me levai, défis mon turban, le pliai en double dans le sens de la longueur et le tordis à la façon d'une corde. je m'en ceignis ensuite la taille et attachai l'extrémité à une patte du rouh, plus épaisse qu'un gros tronc d'arbre, et serrai le nœud solidement. Je me disais, cet oiseau finira bien par s'envoler, peut-être pourrait-il me ramener vers le monde habité. Ce serait mieux pour moi que de rester sur cette île déserte. Je ne fermai pas l'œil de la nuit, de peur que le monstre ne s'envolât durant mon sommeil et ne m'enlevât avec lui sans que je sache vers où. Mais il ne bougea pas jusqu'au lendemain, aux premières lueurs de l'aube. Il quitta alors son œuf, poussa un cri perçant, prit son essor et s'éleva si haut que je me crus parvenu à la clé de la voûte céleste. Il redescendit ensuite en vol plané et se posa sur une hauteur escarpée. Je m'empressai alors, sans attendre davantage, de détacher en douceur mon turban de sa patte pour qu'il ne sentît rien et m'éloignai en tremblant de peur. Par bonheur, il n'éventa pas ma présence. Je le vis se précipiter, saisir dans ses serres quelque chose et reprendre son envol. Je regardai avec attention et vis qu'il avait capturé un serpent d'une longueur inouïe. L'oiseau se dirigeait vers le rivage. Je marchai quelque temps et parvins à une falaise élevée, surplombant une vallée large et profonde, dominée sur l'autre versant par un mont tellement haut qu'on ne pouvait en voir le sommet et encore moins l'escalader. Je me pris à regretter mon initiative. Pourquoi n'être pas resté sur l'île, me reprochai-je, au lieu de venir en cette solitude désolée. Sur l'île au moins, on trouvait toutes sortes de fruits et des eaux fraîches à boire, coulaient en ces rivières, mais ici il n'y a rien, ni arbres, ni fruits, ni sources. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant. Chaque fois que j'échappe à un malheur, c'est pour retomber dans pire encore. C'est la malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Sinbad est-il tombé de Charybde dans Scylla ? Il ne nous appartient pas de déflorer l'intrigue qui suit. Nous vous en laissons le soin et le plaisir jusqu'à la prochaine émission. Quand les heures grasses nous font la nique, que la curiosité vous pique, lors vous saurez ce qu'il advint de Sinbad, l'audacieux marin. Ma'a salama. La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture.